Haustura amarkatu zuen Ramontxo Goietxek, behoita bat urterekin Elizalderen lehen asuanta izan zen, baina aran iduriko demokraziaren oinarriak ezpaitziren gehiago segurtatuak, zatiketa abiarazi zuen, behitza orkesten da jatorrizko taldearen parte handi batekin. J'ai marqué mon désaccord moi personnellement, mais également l'ensemble du groupe majoritaire, et c'est là-dessus qu'il y a une fracture avec M. Elizalde, puisqu'il s'est isolé en ne souhaitant pas entendre ce que lui demandait son groupe majoritaire. Ce que je souhaite aujourd'hui moi faire différemment c'est être un animateur animatzailea eta gehiengoren iritzia eraman demokraziaren funtsa baita haren iduriko Lazerdion Ramontxo Goietxek oposizio lanetan ari den aldiz aitzen abertzaleen taldea aurkezten da ere Ramontxo Labatek eramanik 2011-tik oposiziotik ikusi dituzte gertakari guzti hauek alternatiba direla diote segitzen dugu herriaren bizia aspaldi gauza initz gure ustez ulertu ditugu, ikusi ditugu egiteko manerak nolakoak ziren, eta zinez pentsatzen dugu, politika egiteko manera hori baztertu behar dugula. Elizaldeli leporatzen ari hori eski hainbat erabaki bakarrik hartzea. Ez da behitza orkesten Filip Elizalde, baina ez ditu hola erriko aferak usten, haren komunikazioa eta eskolen gaia lantzen zuen asuanta oia den Letizia Gedon Mixoren zerrendan sartu da, bigarren lekuan, eta Letizia Gedon Mixok asumitzen du Elizalderen jarraipena izatea. Ah oui, je m'inscris entièrement dans la continuité du mandat de Filip Elizalde. On avait un projet, on le continue. Après, vu ce qui s'est passé, il y a des choses qui ont été cassées. Dans le projet LA 2025, c'est de réparer ce qui a été cassé. Eta osapez oiari leporatzen zaizkionak ukatzen ditu. Contrairement au premier adjoint, j'ai toujours été présente à toutes les commissions auxquelles j'étais invitée. On a toujours pu débattre tous ensemble. Il faut bien que la commune avance et il faut bien qu'on prenne des décisions, même s'il n'était pas là. Aestarrek hautatuko duten auzapezak kargualdi biziki laburra izango du 14 hilabetekoa, hautagai guztientzat beraz, 2026 prestatzeko hauteskundeak izango dira.